Je crois que j'ai perdu la nuit. Discret l'autre. Registre tout. On sait jamais, on peut l'utiliser contre lui. Ah mon Jojo. Mon canard. Ah mon Josquin. Ah ma caca. Mon Zozo. Ma bonbon. Ma case de bon. Mon je du pu. Ah mes amis. Je suis retourné à Cannes et ben je peux vous dire. C'est parti à fond les caleçons. J'ai un succès là-bas. Ouh, c'est dingue. Bon, je vous cache pas, je triche un petit peu sur la nature de mes activités professionnelles ainsi que de mon passé. Mais enfin, vous connaissez le proverbe, hein. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Eh ben moi, dans le même genre, j'ai mon proverbe. On chope moins de fion quand on n'a pas de pognon. Du coup, je mens. Ah, la cucaracha, la cucaracha, titi-titi-tana. Excusez-moi, monsieur, mais je viens de vous entendre chanter. Oui. Vous ne seriez pas d'origine espagnole? Non, pas du tout. J'ai simplement été maire de Buenos Aires pendant 7 ans. Vous devez savoir danser le tango divinement. Oh, je ne sais pas si le fait d'avoir enseigné cette danse pendant 4 ans me permet de dire que je maîtrise, mais disons sobrement que j'assure comme un cougar. Accepteriez-vous de me faire partager votre savoir? Oh, oh, oh. Attention la manouche. Quand Helmut y commence le tango, il se donne à fond. Monsieur Helmut, je suis prête. Non mais quand je dis à fond, c'est à fond. Ah, oh, tu peux cogner comme un sourd le pélican, j'ai trop envie. Ok, on va dans ma chambre. Où tu veux. Mais c'est pas du tango ça. Tu rigoles ou quoi? C'est la version ultime. Celle qui se danse nue et lubrifiée. Tu me rends dingue. Parle-moi en espagnol. Oh, tortilla, paella, Speedy Gonzales. Ah, t'es le meilleur. Prends-moi comme une vieille sabate. Alors évidemment, mon Jojo, tu imagines bien. Ça a chié dans le ventilo. Je lui ai fait tout ce que j'avais pris en Amérique latine. Et même ailleurs. Ah, elle a pris cher, la facochère. Bon, je vous laisse. Faut que j'y retourne. Allez, au Wiedersehen.